Enivré par la connerie, on soufflera tous dans les gilotestes. Je serais pas choqué de voir Nabila convoiter le prix Nobel. On fait le tri entre sornettes et sortilèges. Ce quotidien a rendu tous mes écrits mortifères. Ils nous répètent qu'on est tous égaux à l'origine. Dans cette vie, je connais que la mort qui fera pas de favoritisme. N'espérant plus cicatriser tant la blessure est profonde. Même les beaux jours, les vautours planent au-dessus des colombes. Je n'attends pas d'approbation. Qui rappellera aux miens que je les aime si le temps qui passe ne m'en laisse pas l'occasion. Mes pamphlets sentent l'herbe, fendent l'air, en clair. Les meilleurs partent en premier et moi je crains de finir centenaire. Ce monde se moque de mon désaccord. Si tu me surprends, prendre mon pouls, je vérifie juste si je suis pas déjà mort. Mon mal de vivre, je n'ai pas su en guérir. Tiens-toi pour dit que la haine sera la dernière à surenchérir. Tout en sachant qu'ils nous vampirisent de la sorte. Je fais un pas de plus vers l'enfer à chaque centilitre que j'absorbe. J'ai mon art à forger, je dépeins le décorgé, l'âme écorchée chez moi, l'espoir s'est fait égorger. Nuit blanche et écrits illisibles, je deviens trop vieux pour ces conneries, je suis le Danny Clover des lyricistes. Et les rivaux mourront de rancune. Au final, même les bonnes sœurs l'auront dans le. C'est pas pour honorer vos putes que nos vers se lèvent. Ma façon de prendre la vie est brutale. J'aurai toujours plus de morale qu'un mercenaire. Mon quotidien en est la preuve irréfutable. Regarde ce miroir et dis-moi quel homme penses-tu être. C'est pas comme si les principes fournissaient du taf. Puis ce monde n'a jamais été un sanctuaire. Je sais déjà dans quelle trou je finirai plus tard. On ignore tous que notre orgueil nous perdra. Dans ces arènes où les plus faibles apprennent à vivre, je me réveille paumé en crachant des trucs verdâtres. Et je pars en quête de pénombre et d'adrénaline. On est loin de l'océan et des grands espaces. De la rixe de quartier au rythme mortuaire. Tout ce que l'on sait de la colère, c'est qu'elle est ancestrale. Et qu'elle a vu Lucifer prendre forme humaine. Si on accepte la noirceur, c'est pour s'y perdre. J'ai envie de bordel, je m'offre un dernier tour d'ivresse. La perdition aura quand même laissé des traces, puisque les voies du salut sont impénétrables.